Je ne serai jamais chanteur, j'ai pas la voix, j'ai pas le cœur, j'ai pas le trémolo qui fait pleurer, je ne sais pas jouer ces mots qui font rêver. Je ne serai jamais chanteur, je suis timide et j'ai peur, le charisme et la prestance je connais pas, j'ai déjà du mal à dire salut, ça va. Je ne serai jamais chanteur, j'ai pas le look du rocker, la gueule de l'emploi je l'ai pas, mon physique même à la radio il passe pas. Je serai jamais chanteur, je ne sais pas écrire avec mon cœur, mes mots sont vulgaires, banals, sous vide, ils forment des phrases insipides. Une chanson paradoxale, une chanson qui me désespère, une chanson paradoxale, une chanson à jeter à la mer. Je serai jamais chanteur, c'est ma minute de bonheur, c'est pourquoi j'en profite maintenant, encore un petit refrain pour faire durer ce moment. Et cette chanson paradoxale, cette chanson qui me désespère, cette chanson paradoxale, cette chanson à jeter à la mer.